Mezza. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Des citoyens de Bujumbura demandent aux instances en charge du carburant de résoudre définitivement la pénurie du mazout. Ils sont satisfaits que ce qui est de l'essence semble avoir été résolu. Vous l'entendrez. Et des agriculteurs de Karoussi s'indignent suite au manque de semences et du maïs. La province ayant reçu 40 tonnes sur 200 tonnes demandées. Et puis, les habitants du site Gisagara en commune Mubimbi, récemment délocalisés en province, en provenance de Gatumba, éprouvent des difficultés de se faire soigner. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Des citadins de la capitale économique et Bujumbura se disent satisfaits puisque le carburant de type essence reste disponible ces derniers jours. Ils souhaitent que cette situation persiste et de demander aux instances en charge du carburant de faire tout le possible afin que la pénurie de carburant soit définitivement résolue, tantôt pour l'essence et tantôt pour le mazout qui devient de plus en plus rare. Nos reporters ont fait un tour ce samedi, Jean-Marie Mayonga. Dans différentes stations visitées comme à la station Rubis Butanyirira, le carburant de type essence était en train d'être servi à la normale et de type mazout. Les camions qui le transportaient étaient arrivés et à la station Galerie Glick, il n'y avait pas de carburant, mais le gérant nous a dit qu'ils avaient déjà terminé la distribution, de même qu'à la station face à face du boulevard de l'Iprona. Le gérant de cette station nous a dit qu'ils attendent les bons de commande pour être approvisionnés en carburant. Les conducteurs des véhicules et les gérants des stations disent être satisfaits de trouver du carburant sans se bousculer. Moi j'ai eu du carburant et ça m'a beaucoup plu. Je venais de loin. À mon arrivée, j'ai été servi directement. Partout où j'ai passé, on donnait du carburant sans problème. Je suis très ravi d'avoir du carburant sans tarder. Nous nous sentons très bien car nous travaillons en gagnant. Il y a quelques jours, nous recevions peu de litres parce que ce n'était pas bien organisé. Le carburant de type essence est disponible en quantité suffisante. Et pour le mazout, on espère que dans les jours à venir, ce sera comme pour l'essence. Les gens des stations et les conducteurs de véhicules tous demandent que cette situation s'améliore pour que le carburant soit disponible en quantité suffisante et plus particulièrement le carburant de type mazout. Nous demandons que cette situation continue. Si nous trouvons que notre travail marche bien, ça nous enchante. Le mazout sera disponible, nous l'espérons, puisque même l'essence avant, ce n'était pas facile. Là où nous sommes arrivés, le constat est que l'essence était en quantité suffisante, mais le mazout, la quantité n'était pas suffisante selon les gérants des stations visitées, mais gardez l'espoir que ça se fera comme pour l'essence dans les jours à venir. Jean-Marie Mayonga, des agriculteurs de la province de Karoussi grognent pour cause du manque de semences du maïs, alors que Karoussi est considérée comme l'une des provinces qui produisent plus du maïs dans le pays. Ce vendredi a eu lieu la distribution des semences de type PAN 53, ce qui n'a pas été atteint à tout le monde. Un cultivateur recevait au plus 2 kg. Des responsables de la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage indiquent que la province a eu 40 tonnes seulement sur 200 tonnes demandées. Blaise Pascal Kararumi. Comme le disent ces agriculteurs, ils se lamentent qu'ils n'ont pas encore eu des semences de maïs, alors qu'ils devraient déjà commencer à semer, comme le confirment les techniciens d'agriculture contactés. Au cours de la distribution des semences de maïs de type PAN 53, une distribution de semences qui a eu lieu à chaque colline ce vendredi, les agriculteurs informent qu'ils n'ont eu qu'au plus 2 kg par ménage, d'autres 1 kg et voire même moins, et une autre partie des agriculteurs sont partis les mêmes bredouilles. Ils signalent que cette espèce de maïs est la plus préférée dans la province pour ces agriculteurs, indiquant qu'elle est la plus productive. Ils disent qu'ils s'attendaient plutôt à une quantité suffisante pour s'approvisionner à leur gré, d'autant plus que même la province agricole de Karoussi occupe les premières places dans le pays dans la collecte de quantités plus importantes de grains de maïs. Les agriculteurs qui ont eu ces semences remercient le gouvernement qui a subventionné pour que le prix soit abordable, le prix de 4200 francs le kilo. Au cours de la réunion de préparation de cette distribution des semences, les responsables de l'administration et du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage et ceux de la sécurité ont informé que la province agricole de Karoussi n'a eu que 40 tonnes sur 200 tonnes qui étaient demandées pour les agriculteurs de Karoussi. Ils conseillent d'attendre d'autres provisions, mais aussi d'acheter d'autres semences de maïs qui sont déjà disponibles au niveau du bureau provincial d'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, afin de débuter le semis avec la disponibilité des fertilisants dès la semaine prochaine. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Je vous l'avais dit dans les titres, les habitants du site Gisagara de la zone et Matiazo en commune Mubimbi, récemment délocalisés en provenance de Gatumba, éprouvent des difficultés de se faire soigner. Un centre de santé de ce centre manque souvent de médicaments. Ils sont obligés de parcourir 5 km vers le centre de santé du chef-lieu de la zone et Matiazo. Le responsable de ce site ajoute qu'une autre difficulté est de déplacer des malades et surtout des femmes enceintes parcourant 5 km à l'aide d'un brancard. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Ces habitants du site Gisagara en commune Mubimbi déplorent que le manque de médicaments reste un grand défi pour les malades. Cela est confirmé par Abdul Karim Muzinga, responsable de ce site. Il demande au ministre et à la santé dans ses attributions de rendre disponibles les médicaments en quantité suffisante au sein de ce centre. Les gens se soignent. Nous avons des postes de soins. L'association Global Development Community nous a installé un poste de soins ici et la fondation STAM aussi. Mais les problèmes que nous avons, c'est ce qui concerne les médicaments. Qu'est-ce que vous demandez pour que les médicaments soient disponibles? Nous demandions surtout au gouvernement burundais de nous faciliter surtout à ce qui concerne les médicaments parce que c'est introuvable dans les postes de soins ici au Global Development Community. Le responsable du site Gisagara précise que ce centre manque également d'ambulance et cela pose un problème pour transporter surtout les femmes vers le centre de santé du chef-lieu de la zone Matiazo à 5 km. Nous les apporter à Matiazo. Matiazo ici c'est à peu près 5 km. Les transporter via les blancards que les Croix-Rouges nous a donné. Nous demandons aussi au cas d'opportunité de nous amener aussi, surtout dans les sites, que cette ambulance reste dans les sites. Abdul Karim Muzinga affirme que lors de la visite que la première dame a effectuée dans son centre, les responsables sanitaires avaient amené une ambulance, mais 3 jours après, elle a été transférée vers un autre endroit inconnu. Le site Gisagara, qui devrait accueillir 445 personnes, abrite pour le moment plus de 1000 familles, composées de plus de 6000 personnes. Le président de la plateforme de la gestion des catastrophes a récemment annoncé qu'un site est en cours de préparation à Gateri en commune Buganda de la province Chibitoke en vue de désengorger ce site de Gisagara. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana, et parlons encore agriculture pour boucler cette édition. Des jeunes caféiculteurs de la commune Gatara en province de Kayanza disent que la culture du café leur permet de subvenir aux besoins fondamentaux sans dépendre de quelqu'un d'autre. Ils appellent d'autres jeunes de la province de s'intéresser à cette culture industrielle. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la protection de l'environnement en province de Kayanza appelle les agriculteurs en général à adopter cette culture en expliquant que différentes initiatives sont en train d'être menées pour revaloriser le café. Patrick Nsengiumva. Ces jeunes caféiculteurs de la commune Gatara indiquent qu'ils ont planté des caféiers en suivant le modèle de leurs parents caféiculteurs. Ils font savoir qu'en grandissant, ils voyaient leurs parents entretenir cette culture industrielle et que le café leur permettait de réaliser des projets de développement dans leur famille. Ces jeunes caféiculteurs à Gatara disent qu'ils possèdent entre 3 et 4 plantations caféicoles et précisent que cette culture industrielle leur permettra de se développer les jours à venir. Les jeunes caféiculteurs de la commune Gatara appelle des jeunes d'autres communes de la province Kayanza d'ailleurs à s'intéresser à cette culture industrielle qu'est le café. Toutefois, les mêmes caféculteurs ne mâchent pas les mots en déplorant que le prix d'un kilogramme de café cerise est encore bas et demandent au gouvernement burundais de toujours chercher à revoir à la hausse ce prix, expliquant qu'ils engagent beaucoup de moyens à entretenir les plantations caféicoles. Contacté à son propos à Dérénio Saba, directeur du bureau provincial à Kayanza en charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, celui-ci nous a fait savoir que le gouvernement burundais est en train de faire beaucoup d'initiatives pour revaloriser la culture du café, d'où il appelle les agriculteurs en province Kayanza à s'intéresser davantage à cette culture industrielle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengi. On va essayer par ici que s'achève ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Des citoyens de Bujumbura demandent aux instances en charge du carburant de résoudre définitivement la pénurie du mazout. Ils sont satisfaits par que ce qui est de l'essence semble avoir été résolu. Et des agriculteurs d'Okar aussi s'indignent suite au manque de semences et du maïs. La province ayant reçu 40 tonnes sur 200 tonnes demandées. Et puis, les habitants du site Gisagara en commune Mouvimbi, récemment délocalisé en provenance de Gatumba, éprouvent des difficultés de se faire soigner. Point final à cette édition. Albert Ndouaïo a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Boukeneza.